moins des indigues sans position, moins gagné un bon sommeil, qui remarque sa consolation, qui fait mieux proposition, pour mal assister, répétition, qui fait mieux proposition, pour mal assister, répétition. Hehehehe.